L'encre s'efface plus facilement que la plaie. La guerre arrive plus gratuitement que la paix. On m'a dit Joss, arrête, te prends plus la tête. Façon c'est mort, j'ai perdu le sens de la fête. Les coups du sort, les souvenirs, les traumatismes. Pour évacuer, j'ai tous mes automatismes. Un doigt sur son clito, deux doigts sur mon yops. Très très loin de ces mythos, très loin je suis au max. Tourné vers Dieu, mais tenté par Lucifer. Je fais le nécessaire, moi je peux pas me laisser faire. Des idées noires dans ma tête, en confidence. J'ai pas de confiance, donc je fais pas de confidence. Pour me défouler, y'a pas grand chose d'efficace. Donc je passe mon temps à rouler en attendant que la vie passe. Ces derniers temps, j'ai vraiment besoin de me détendre. Ma haine s'étend, mon seum se répand, j'ai l'impression. Plus rien n'est vrai, tout est factice. Plus rien qui m'est vrai, tout qui m'attriste. Mon cœur est plein, des cicatrices. Pas rester près de la matrice, de la street. Encore jeune, je suis un artiste. Niquer, niquer l'actrice. Celui qui est niqué la crise. Tout un monde que je méprise. Tout un monde qui me les brise. Cette putain de vie qui m'épuise. Cette putain de vie qui m'épuise. Solo, solo. Le cœur est froid sous mon polo. Les 3-6 veulent me follow. Moi je veux les 3-7, je veux le polo. Mon cœur est froid, ouais, mon cœur est froid. J'ai l'esprit tordu, mais mon cœur est droit. J'ai roulé des joints, j'en ai fumé 3. Et je m'en bats rien, je connais plus les froids. Ouais, mon cœur est froid. J'suis toujours en marche, tu peux me trouver pas. J'ai un sourire large pour un cœur est froid. J'suis malheureux, parfois malheureux. Être chaleureux, mais le cœur est froid. J'espérais mieux, mais on verra bien. Si t'iras bien, j'm'en remets à Dieu. Si t'iras bien, j'm'en remets à Dieu. Oh, pour me défouler, y'a pas grand chose d'efficace. Je passe mon temps à rouler en attendant que la vie passe. Ces derniers temps, j'ai vraiment besoin de me détendre. Ma haine s'étend, mon seum se répand. J'ai l'impression que rien n'est vrai. Tout est factice, y'a plus rien qui m'effraie. Tout qui m'attriste, mon cœur est plein. Des cicatrices, pas rester près de la matrice. De la street, encore jeune, je suis un artiste. Niqué, niqué l'actrice. Niqué, niqué l'actrice. Tout un monde que je méprise. Tout un monde qui me les brise. Cette putain de vie qui m'épuise. Cette putain de vie qui m'épuise.